Ça y est, retour au bureau, c'est le déconfinement. À vous les open space, les pauses café. Donc, vous reconnectez votre ordinateur au Wi-Fi de l'entreprise. Vous allez pouvoir imprimer tous les documents que vous souhaitez. C'est quand même agréable le papier pour travailler. C'est un peu comme à la rentrée, vous allez même trier vos mails, tiens. Alors celui-là, celui-ci, tiens, celui-là, il a un titre bizarre. Ah, salut Patrick. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment vont les enfants? Il y a même des gens que vous ne reconnaissez pas. Ils passent réparer des choses. Sûrement des informaticiens. Vous allez à votre pause midi, mais à votre retour au bureau, l'ordinateur affiche un écran d'horreur. Plus rien. Et vous avez ce message qui vous demande une rançon pour refaire marcher votre ordinateur. Gros stress. Comment faire? Ouf, c'est bon. Vos documents ne sont pas perdus. Ils sont sauvegardés quelque part. Vous allez vite voir le service informatique qui se rend compte de l'incident. En fait, une nouvelle faille sur les protocoles Wi-Fi vient d'être révélée. Une personne s'est introduite dans l'entreprise ce matin en se faisant passer pour un informaticien, profitant du retour au bureau pour attaquer les connexions Wi-Fi et faire une demande de rançon. Heureusement, l'équipe informatique avait fait les mises à jour rapidement sur les équipements. Il manquait plus que votre poste et les bornes Wi-Fi. Mais grâce aux sauvegardes, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler Wi-Fi. Nous allons voir que le mot de passe que vous recopiez scrupuleusement n'est peut-être pas toujours suffisant. La semaine dernière, un chercheur a publié 12 vulnérabilités concernant le protocole Wi-Fi. Ces vulnérabilités sont présentes depuis 1997 et personne ne les avait vues. Et tous les appareils sont concernés, les téléphones, les ordinateurs, les bornes Wi-Fi. Tous sont touchés par au moins l'une des 12 attaques. Je vais vous expliquer une de ces 12 attaques. C'est celle qui concerne le processus d'agrégation. Prenons une image. Le président de la République veut se déplacer dans Paris. Il va monter dans une voiture et un cortège de gendarmes va l'entourer. Il y aura des motos, des camionnettes, des voitures, il y en aura devant, derrière, sur les côtés. Bref, c'est bien protégé. C'est pareil lorsqu'on veut transmettre un paquet sur le réseau. Donc, par exemple, une image. À l'image, ça va être le président de la République, elle est au milieu du cortège, et tout autour, il y a les gendarmes de différents types qui vont l'entourer. Et quand le paquet va arriver, par exemple, à votre box internet, la box, elle va vérifier par les gendarmes que tout est correct, que le paquet à l'intérieur, que l'image, c'est la bonne, elle n'est pas malveillante, et il va la transmettre. L'agrégation, c'est une manière pour le Wi-Fi d'agréger plusieurs petits paquets, pour ne pas avoir à sortir toute la cavalerie à chaque fois pour plusieurs paquets. C'est comme si plusieurs ministres sortaient en même temps, plusieurs secrétaires d'État, et qu'on se disait qu'on pouvait mutualiser l'escorte de gendarmerie, toutes ces motos, toutes ces voitures, et qu'on a une ou deux voitures, on va avoir plusieurs voitures de ministres qui vont suivre et avec le cortège autour. Eh bien, le chercheur, il a trouvé une faille dans ce processus qui existe depuis 20 ans, et si on suit l'image dans l'escorte, il y a quelqu'un dans cette escorte qui s'occupe de dire s'il y a plusieurs ministres ou non. Vous lui demandez, est-ce qu'il y a plusieurs ministres dans l'escorte? Oui ou non. Mais cette personne précise, en fait c'est un champ dans le paquet qui est de réseau, c'est un champ, une valeur, et bien elle n'est pas authentifiée, elle n'est pas protégée. Son identité n'est pas vérifiée. En fait, c'est comme si au lieu d'avoir un gendarme assermenté pour dire s'il y a plusieurs ministres ou pas dans le cortège, c'est un chauffeur de taxi qui n'est pas habilité. Les attaquants, ils ont eu l'idée de changer le chauffeur de taxi, ou enfin, en tout cas, au moins de lui changer son message. Quand vous lui demandez s'il y a plusieurs ministres, mais il va répondre autre chose. Qu'est-ce qui est la vérité? S'il y a plusieurs plaques, on lui demande s'il y a plusieurs paquets, il va répondre autre chose. Donc en fait, par exemple, s'il y a un seul ministre dans le cortège, eh bien, l'attaquant va faire dire à la personne qu'il y en a deux. Et donc il va pouvoir rajouter une deuxième personne dans le cortège, un deuxième paquet malveillant. Et ce deuxième paquet malveillant, il met ce qu'il veut. Une fois qu'il l'a mis dans le cortège protégé par tous les gendarmes, on peut faire passer ce qu'on veut. Donc une fois qu'ils ont la possibilité d'envoyer ce paquet réseau, ils vont pouvoir ensuite donner des ordres au PC, intercepter les messages, modifier les paquets. C'est assez grave, hein. Il prend le contrôle de la connexion. Bon, il faut quand même qu'il soit physiquement à portée du réseau, hein. Il faut qu'il soit proche de la borne ou du PC pour faire l'attaque. Mais bon, selon la sensibilité du réseau, ça peut être assez grave. La première recommandation, c'est de mettre à jour les logiciels de vos équipements. Donc ça concerne Windows, ça concerne Apple, Linux, Android, les routeurs, tout. Ça concerne tout, quoi. Et dans certains cas, il y a une configuration qui permet de sécuriser les bons champs pour les paquets réseau, hein. Ça, c'est quand vous manipulez ça, quand vous configurez vous-même ces équipements. Une autre bonne pratique qu'on peut rappeler, c'est de ne pas activer le Wi-Fi de l'appareil si la fonction n'est pas utilisée. Par exemple, si l'appareil c'est un objet industriel, si c'est une caméra, un capteur, et qu'on n'a pas besoin d'activer le Wi-Fi pour le faire marcher, ben on le désactive. Du coup, on se protège de fait de l'attaque. On réduit la surface d'attaque. Tous nos systèmes sont par nature vulnérables. Et le réseau Wi-Fi, même s'il est sans câble, ne fait pas exception. Il est attaquable. Il y a des failles insoupçonnables. Les codes sont cassables. Pour éviter que tout devienne consultable, que tout devienne modifiable, que tout devienne désagréable, que tout devienne incommunicable, on repasse par un câble, faites les mises à jour indispensables.